Chapitre 16e, conclusion. Plusieurs années ont passé depuis la mort d'Antonia Banozza, et rien n'a pu troubler les amours de Raphaël et de la Fornarina, si ce n'est les accidents domestiques qui ont enlevé à Stella et son père, le Fornaro Gaffarelli, et sa mère, Mamma Lucia. Cet amour, loin de diminuer avec le temps, n'a fait que grandir chaque jour, et grandir au point de compromettre la santé de Raphaël. À la fleur de l'âge, le grand artiste est mourant, et les chefs-d'œuvre restent inachevés dans son atelier. Dans un jour solennel, il a fait une visite aux religieux de l'église de San Pietro in Montorio, et comme la plupart des visites du maître, celle-ci s'est terminée par une promesse. L'église était pauvre. On n'y voyait pas ces magnifiques peintures qui font de tant d'églises italiennes les plus merveilleux musées qui soient au monde. Raphaël voulut parer cette indigence. Il choisit le vitrail qui devait lui donner une lumière favorable, et promis au supérieur le Christ transfiguré au mont Tabor. Ses toiles, fort avancées déjà, est dans l'atelier du peintre et ses regards mourants se portent sur elle. À cet aspect, quelque force lui revient au cœur, une pensée chrétienne s'empare de son âme. « Jules Romain, dit-il à son élève favori, prépare ma palette, mes pinceaux. La mort me gagne à tout instant. Je ne voudrais pas mourir avant d'avoir achevé ma transfiguration. » Et il se lève avec effort. La nature était riante et parait comme en ses plus beaux jours. L'artiste mourant fait ouvrir la fenêtre et des flots d'une lumière d'or envahissent l'atelier avec l'air frais du jour, tout embaumé des parfums agrestes cueillis dans les jardins. « Que cette lumière est douce, dit Raphaël, qu'il fait bon respirer cet air embaumé. » Et il prend aux mains de Jules la palette et les pinceaux préparés. À grands traits, il achève ces flots de lumière qui inondent dans son tableau la figure du sauveur des hommes. Il retouche la tête des apôtres, il revoit les draperies. Chaque détail de son œuvre a un de ses derniers regards, un de ses derniers coups de pinceau. L'amour de son art le maintient longtemps dans un état de force factice qui aurait trompé tous les yeux. Ses joues se sont colorées d'un léger incarnat, et on dirait que la vie lui revient tout à coup pour lui donner le temps de tout achever. Mais la mort ne perdait pas ses droits. Pendant que la fièvre du travail semble emporter l'artiste, un engourdissement subit saisit ses membres. Le sang reflue au cœur avec force. Le pinceau tombe de ses mains défaillantes et la pâleur de la mort couvre son visage. En vain, ses disciples, à genoux autour de lui, cherchent à ranimer ses membres glacés. Tous ses soins sont inutiles. Raphaël n'est plus. Ainsi s'achève Raphaël et la Fornarina par Joseph Méry.